Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don. Au programme de cette 10e émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito portera sur la législation du don. Et ce mois-ci, encore plus que d'habitude, nous parlerons sérieusement puisque nous recevrons un député de Meurthe-et-Moselle. Et nous finirons bien entendu avec l'agenda du don du mois de juin. Le Temps du Don, le temps de l'actu. Bonjour Dominique. Bonjour Christophe. Quoi de neuf en ce mois de juin ? Eh bien, comme je l'avais annoncé le mois dernier, pour prendre rendez-vous et pour solliciter vos maires, pour éclairer les bâtiments publics en rouge le 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Alors, c'est une journée qui a été décidée par l'Organisation mondiale de la santé pour remercier les donneurs. Sans eux, il serait difficile de soigner beaucoup de malades. Alors, pourquoi le 14 juin ? Car c'est la date de naissance de Karl Landsteiner. Christophe, est-ce que tu le connais ? Il fait de la couture, non ? Non, pas tout à fait. On vient, c'est un médecin autrichien qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1930 pour sa découverte des groupes sanguins. Alors, pourquoi ce jour-là ? Parce qu'on va arriver à un mois des vacances scolaires de l'été. Et comme souvent, il faut préparer les stocks. On le sait bien, et c'est dommage, les donneurs sont moins mobilisés durant les mois de juillet et d'août. Mais quand on est en congé, c'est une période durant laquelle on a plus de temps pour soi et donc aller donner son sang au bord de mer. Eh bien, c'est possible. Donc profitez tous du 14 juin pour donner, pour remercier aussi les donneurs autour de vous et de continuer à donner tout au long de l'été. La deuxième actualité, eh bien, c'est tout récent. Eh bien, lors du week-end de l'Ascension, il y a eu le 45e congrès de la Fédération des donneurs de sang bénévoles de France, donc, à Lille. Je sais que toi, Christophe, tu y étais. Je te le confirme, oui. En introduction, bien, la flamme de la vie est arrivée à Lille après un parcours de 2 semaines entre la Normandie et le nord de la France, et c'est au son de Pierre Bachelet que les mascottes ont été accueillies. Cet événement a rassemblé pendant 3 jours 1000 personnes qui représentaient les 750 000 bénévoles à travers la France. Alors, les congressistes ont travaillé sur 3 thématiques. Alors, qu'est-ce qu'être bénévole aujourd'hui ? Quelles sont les répercussions induites par l'adaptation des collectes pour les amicales ? Et enfin, qu'est-ce que les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, peuvent offrir aux structures de bénévoles ? Je noterai l'attribution au docteur Fanny Delettre le prix Arnaud Tsang 2024-2026 pour les travaux de recherche dans le cadre du projet Espoir sur l'évaluation de la transfusion de concentrés de globules rouges issus de sang placentaire dans la prévention des complications liées à la prématurité. Et puis il a été rappelé l'appel du haut gouvernement pour que le don de plasma devienne grande cause nationale. Et en clôture, il a été annoncé le prochain congrès en 2028 qui aura lieu à Marseille. Comme quoi, il y a de l'énergie au sein de notre fédération pour garantir un sang éthique dans le contexte actuel. Le temps du don, le temps de l'édito. Donner son sang, c'est un geste simple, généreux, mais aussi très encadré. En France, rien n'est laissé au hasard. Et c'est une bonne chose. D'abord, il faut savoir que le don de sang repose sur 3 grands principes inscrits dans la loi. Le bénévolat, l'anonymat et la gratuité. Autrement dit, on ne peut pas être payé pour donner son sang et on ne sait pas à qui il sera transfusé. Ce modèle, défendu notamment par l'établissement français du sang et notre fédération, garantit une éthique forte. Le sang n'est pas un produit commercial. Mais la législation va encore plus loin et précise des conditions qu'il faut remplir pour donner son sang. Il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et être reconnu apte après un entretien médical. Cet entretien est essentiel, il permet de protéger à la fois le donneur et bien entendu le receveur. Car oui, la sécurité est au cœur du système. Chaque don est testé, tracé, contrôlé. On parle même de chaîne transfusionnelle, un parcours strictement surveillé depuis le prélèvement jusqu'à la transfusion. La loi évolue aussi avec la société. Par exemple, les critères de sélection des donneurs ont été modifiés ces dernières années pour devenir plus inclusifs, tout en maintenant un haut niveau de sécurité sanitaire. En clair, ce n'est pas parce que l'on est homosexuel que l'on ne peut pas donner son sang. C'est un équilibre délicat entre ouverture et précaution. En France, on bénéficie d'un encadrement rigoureux, mais on a aussi un défi à relever. Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner des patients, lors d'opérations, d'accidents ou de traitements lourds. Nous sommes autosuffisants en sang et en plaquettes, mais ce n'est pas le cas en plasma, puisque nous en importons les 2/3. Alors la loi fixe des règles, il faut bien entendu les respecter. Y a-t-il des choses à faire évoluer encore pour favoriser le don tout en maintenant notre système éthique ? Une chose est sûre, c'est que le système repose sur une valeur, et cette valeur c'est la solidarité. Sans donneur, Même le meilleur cadre légal ne suffit pas. Donner son sang en France, c'est donc participer à un système à la fois sûr, éthique et profondément humain. Parce qu'au final, derrière chaque règle, ce sont des vies que l'on protège. Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans le temps du don, nous recevons le député de la 4e circonscription de Meurthe-et-Moselle, Thibaut Bazin. Bonjour monsieur le député. Bonjour messieurs. Bienvenue dans le temps du don. Dans un premier temps, monsieur le député, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Ensuite, je vous ferai participer à un petit quiz de questions. Et je vous inviterai à nous parler des actions que vous menez sur le thème du don du sang. C'est tout bon pour vous, monsieur le député ? Oui, merci pour votre invitation devant vos auditrices et vos auditeurs. Moi, j'ai une circonscription d'une taille très importante, puisque c'est un tiers de la Meurthe-et-Moselle, du stade Marcel Picot à Tomblaine jusqu'à Pierre-Percé. J'ai 190 communes, 130 000 habitants, et j'ai l'honneur de les représenter depuis bientôt 9 ans. Oui, donc ça en fait des communes, ça en fait donc des possibilités d'aller voir des donneurs de sang sur les différentes collectes qui sont organisées sur votre territoire, j'imagine. Grâce à un tissu remarquable d'associations de donneurs de sang bénévoles, je suis invité régulièrement à des assemblées générales et c'est hyper important d'avoir une accessibilité pour pouvoir assurer ce don parce que ça participe aussi à cette mobilisation et ce ne serait pas possible sans la qualité d'accueil des bénévoles parce que pour tous ceux qui viennent donner, c'est très important d'être bien accueilli, d'être en confiance et puis il y a la petite pause avant de repartir qui est très importante et parfois il y a la confection de sandwichs, de crêpes, des boissons et moi je suis épaté et impressionné par cette qualité d'engagement des bénévoles qui participent et assurent et garantissent le modèle français, très éthique. Ouais, c'est ça, donc cette pause, c'est les 20 minutes de pause qui sont nécessaires pour la collation, pour que les donneurs repartent en forme à leur domicile. Je vous propose tout de suite de passer au quiz, et puis après on enchaînera sur d'autres questions législatives. Le temps du don, le temps du quiz. Je vais vous poser tout de suite la première question, c'est sous forme de QCM. Le 14 juin, nous célébrons la Journée mondiale des donneurs de sang. Savez-vous depuis quand nous la célébrons en France ? Petit A, 1984. Petit B, 1994. Petit C, 2004. Petit C, 2004. Bah effectivement, bonne réponse à l'unanimité. Cette journée, en fait, elle a été initiée en 2004 par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, ce qu'on appelle la JMDS, c'est un grand rendez-vous solidaire qui sensibilise le grand public à l'importance du don de sang et qui permet de promouvoir le modèle éthique français. Et depuis 2006, l'EFS participe à cette journée. Elle est effectivement célébrée le 14 juin et c'est l'occasion de remercier les donneurs et de marquer un temps fort de mobilisation au quotidien, ce qui est primordial. Petite question subsidiaire, Dominique. À ton avis, dans combien de pays elle est célébrée ? Ah, je dirais une bonne vingtaine. Monsieur le député, vous voulez jouer ? Moins de 10. Bon, bah alors c'est 190 pays dans lesquels elle est célébrée, cette JMDS. Et chaque année, il y a l'un d'entre eux qui est choisi pour accueillir un événement mondial. Voilà, c'était le petit complément d'info sur la JMDS. Très intéressant. N'est-ce pas ? N'est-il pas ? On passe à la deuxième question. Le plasma que l'EFS prélève sert à fabriquer, par exemple, des médicaments. À qui l'EFS vend-il ses poches de plasma ? Petit A, au LFB. Petit B, au FBI. Petit C, au KGB. C'est compliqué comme réponse. Petit D, le LFB et les établissements qui sont agréés. Oh là là là là, il y a un complément d'information directement apporté par monsieur le député, c'est top, mais effectivement... Moi qui connais le dossier. Il n'y avait pas le petit D, mais effectivement, c'était la réponse A. Donc le LFB, c'est le laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. Donc c'est un laboratoire biopharmaceutique qui propose aux professionnels de santé des médicaments dérivés du plasma ou de protéines. Donc voilà, il est présidé par Jacques Brome, qui a assisté d'ailleurs au congrès national dont tu parlais tout à l'heure, Dominique. Donc bravo à tous les deux. J'espère que vous avez appris quelque chose en vous amusant, vous qui nous écoutez. Et on va passer à la suite. Le temps du don, le temps de l'invité. Nous recevons aujourd'hui le député de la 4e circonscription de Meurthe-et-Moselle, donc Thibaut Bazin. Je souhaiterais qu'on aborde maintenant les liens entre le don de sang et la politique. Donc première question que j'ai envie de vous poser, elle est large, elle est vaste, mais comment les hommes et les femmes politiques vont-ils s'y prendre pour garantir l'éthique du don à la française ? Comment vous y prenez-vous en tant que député pour garantir cette éthique ? Déjà, je veille à ce que les principes, ces beaux principes d'une éthique à la française, soient préservés parce qu'ils peuvent vite être malmenés et menacés. Vous les avez indiqués, la gratuité, parce qu'on ne marchandise pas le corps, c'est une question de dignité. L'anonymat, et là aussi, on n'attend pas de contrepartie. Et le volontariat, vous avez parlé tout à l'heure du bénévolat, mais on a le volontariat avec le consentement libre et éclairé à chaque étape. Ce qui, d'une certaine manière, nous appelle aussi à être vigilants quand on essaye de réinterpréter, qu'on essaye un peu d'atténuer parfois les principes. Le règlement d'ailleurs européen, Sceaux, qui vient d'être adopté, vient nous re-questionner sur les compensations. Parce que quand on dit gratuité, quand on dit anonymat et volontariat, qui appelle des compensations, il faut bien savoir qu'est-ce qui se cache derrière pour qu'on reste quand même dans une sincérité du donneur qui n'attend pas de contrepartie. Et finalement, c'est ni profit ni perte pour le donneur. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par profit ? Qu'est-ce qu'on entend par perte ? Il faut l'interpréter. Et c'est une question permanente. Mais ce qui est très important dans les principes bioéthiques, c'est pas uniquement de les proclamer, c'est de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre effectivement. Et on le voit bien, dans le monde actuel, faut pas être naïf, il y a des tensions marchandes, il y a des risques de marchandisation, il suffit de voir ce qui se pratique dans certains pays, où parfois on autorise plusieurs dizaines de dons dans l'année, avec des risques sanitaires pour la personne elle-même, parce que souvent elle est dans une précarité et elle, d'une certaine manière elle vend les produits de son corps, alors qu'en France le nombre de dons par an est limité justement pour ne pas mettre en danger la santé des donneurs. On voit bien à chaque fois c'est des questions qui se posent et il faut qu'on vérifie parce qu'on peut être tenté pour des bonnes intentions parfois de malmener nos principes on est tous un peu des gardiens de ces principes. Après, pour que ça tienne, il faut qu'on en ait assez. Et pour en avoir assez, il faut répondre aux besoins. Et les besoins sont croissants, notamment en termes de médicaments. Il y a un plan plasma qui a été lancé. On va en parler, oui, tout à fait. Et là, qu'est-ce que le politique peut faire, que ça soit local au niveau ou national ? C'est de pouvoir mettre les locaux à disposition des associations de bénévoles pour que le FES puisse venir faire les collectes dans les locaux adaptés, qu'on puisse faire ces opérations, de soutenir ces associations parce qu'il y a toujours des faux frais, il peut y avoir des subventions et moi il y a des villages parfois de taille modeste qui apportent des soutiens aux associations de donneurs et puis moi mon modeste niveau, j'essaye de relayer aussi la publicité sur le don. Il n'y a que 3,5% de la population en âge de données qui donnent aujourd'hui. C'est effarant. Et 1,5 million. Et donc on voit bien, tout le monde ne le peut pas médicalement, physiquement, mais on a besoin de donner davantage de donneurs, à la fois la fidélisation de ceux qui sont donneurs et le renouvellement. Et c'est un défi parce qu'aujourd'hui on est à 900 000 litres de plasma collectés et si on veut atteindre 1,3 million 1,4 pour l'ambition d'ici 2028, il va falloir qu'on crée un véritable élan. Donc j'espère que l'émission que vous proposez et la journée du 14 suscitent un élan et qu'en Meurthe-et-Moselle on soit remarquable. On y travaille à notre niveau, à notre modeste niveau effectivement. Mais vous avez parlé effectivement du plan plasma, donc effectivement on a 1,4 million de litres à aller chercher pour 2028. Une fois qu'on dit ça, on n'est toujours pas autosuffisant en France. Hein. C'est aussi ça qu'il faut bien dire à nos auditeurs et qu'il faut aussi relever. C'est quand on aura atteint, parce que je ne doute pas un seul instant qu'on va y arriver tout en ayant notre modèle éthique, on sera seulement à 50% en fait. Mmh. À cette heure-ci, on importe 65%. En 2028, en respectant, en atteignant les objectifs qui sont fixés par palier chaque année, on importera encore 50% du plasma. Et du coup, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des importations qui se font, on va dire directement, des États-Unis, avec des conditions qui ne sont pas les mêmes que nous, puisque effectivement, un donneur aux États-Unis, il peut y aller toutes les deux fois par semaine. il peut aller donner son plasma. Chez nous, on y va tous les 15 jours. Donc voilà, juste une précision pour rapporter, pour donner de l'eau au moulin de ce que vous venez de dire, monsieur le député. Donc voilà, donc on a un plan plasma qui nous amène à 2028. Après, vous voyez les choses comment, vous, monsieur le député ? Ça ne suffit pas, je suis d'accord avec vous. Et il faut que les auditeurs comprennent aussi qu'on a un enjeu parce que on a de plus en plus de médicaments dérivés du sang. Et c'est synonyme de promesses de guérison ou de meilleur confort de vie. C'est une bonne chose, hein, la population vieillit, on a besoin de plus de médicaments. Et c'est aussi ça qu'il faut effectivement dire. Et je le dis, on a de plus en plus, même si au niveau des hôpitaux, on fait attention justement à ne pas gâcher le sang et faire en sorte que les protocoles évoluent. Mais en fait, comme on est en train d'innover, et grâce au sang, grâce aux médicaments dérivés du sang, on a des besoins de plus en plus importants. Et puis on est dans un contexte international très inquiétant et on peut avoir des ruptures. Rien qu'entre 2014 et 2022, on avait eu 292 déclarations de rupture. Et donc c'est un enjeu de sécurité sanitaire, mais surtout de souveraineté sanitaire. Et je sais qu'un certain nombre de Français peuvent se sentir un peu patriotes. À un moment, il faut aussi donner. Parce que si on doit dépendre des autres pour pouvoir apporter les médicaments dérivés du sang à ceux qui en ont besoin, on risque d'être très vulnérable. Et ça serait une double vulnérabilité, pour le coup. Ouais, je rebondis juste sur le mot rupture. Effectivement, ça, c'est important. Parce que quand on dit ça, quand on dit qu'il y a une rupture, on n'est pas au supermarché du coin en train de se dire « Ah mince, j'ai pas ma boîte de petits pois, quoi, qui est en rupture ». C'est pas ça. C'est que derrière, quand il y a une rupture, ça veut dire qu'on a un patient, un malade, qui derrière n'a pas forcément son traitement en temps et en heure. C'est ça qu'il faut aussi se dire. Donc il y a vraiment des gros enjeux là, sur le plasma qui sont importants et il faut y aller, quoi. Dominique, tu veux dire quelque chose ? Oui, alors j'ai une question pour monsieur le député. Quid de la proposition de loi sur la possibilité donnée aux donneurs de donner leur sans leur plasma durant leur travail. Cette proposition de loi que j'ai votée vient de mon collègue et voisin de banc à l'Assemblée, Pierre Cordier, qui habite la même région que nous. On est tous les deux des élus de terrain et très attachés aux associations de bénévoles qui promeuvent et assurent tout ce qu'on vient de se dire. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée, maintenant elle est dans la navette. Elle est très intéressante parce qu'elle permet une autorisation d'absence. Pour les actifs, parce que on voit bien que parfois il y a certains dons spécifiques que vous avez décrits dans d'autres émissions qui sont un peu plus longs, qui nécessitent 1h30 à 2h qui est limité à 8 fois par an. Il faut prévenir au moins 3 jours ouvrés son employeur pour pouvoir en bénéficier. Et donc ce serait une belle avancée. On en a vraiment besoin. Et donc j'espère que la navette parlementaire permettra d'aboutir dans les prochains mois de manière à ce que ça puisse favoriser aussi et participer au plan plasma. Donc là effectivement c'est encore que les auditeurs comprennent bien, cette proposition est toujours dans la navette, quoi, c'est ça ? Elle a été votée à l'Assemblée, maintenant il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes au Sénat, sinon la navette se poursuit. Et c'est vraiment l'idée d'aider et de soutenir les actifs qui ont besoin d'aller dans le centre le plus proche. Et parfois quand on va bosser, on se rapproche de centres pour pouvoir donner. C'est parfois, vous savez, dans la ruralité par exemple, on a quelques rendez-vous par an, mais si on veut donner un peu plus que 3 ou 4 fois, parce que parfois dans un village il va y avoir une seule collecte dans l'année pour prélever son plasma aussi et pour prélever le plasma. Donc c'est une belle proposition de loi qui est sur une grande cause nationale, enfin en tout cas moi je soutiens ce que vous avez porté pour en faire une grande cause nationale. On va pouvoir parler de cette grande cause nationale plasma. Et après, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Le donneur le fait, c'est bénévole, c'est gratuit, il n'attend rien en retour. Derrière, effectivement, il y a des questions à se poser par rapport à, mon employeur me finance quand même une partie de temps pour que j'aille donner mon sang. Donc ça fait partie des questions qui ont été abordées, sur lesquelles vous avez débattu à l'Assemblée. Et qui participe à une forme de responsabilité sociétale de l'entreprise et des administrations publiques. Et on le voit bien aujourd'hui, le lieu de travail peut être aussi un lieu de collecte. C'est important aussi de le mentionner, parce qu'on voit bien, on évoque la prévention, on évoque... Et souvent, ces sujets de dons, de générosité, peuvent appeler aussi des rendez-vous prévention. Parce qu'il faut être dans, quand on veut donner son sang, il faut aussi avoir respecté un certain nombre de critères. Mmh. Et c'est du gagnant-gagnant d'une certaine manière aussi pour l'entreprise de pouvoir favoriser ces moments-là, parce que ça veut dire qu'on s'implique et qu'on s'inscrit dans une logique et dans un parcours d'une bonne santé. Et on contribue à la bonne santé des autres. Donc je plaide aussi pour qu'on puisse avoir des engagements, des entreprises, des administrations publiques aussi, hein, de manière à favoriser ce don. Oui, effectivement. Donc l'EFS, alors d'une manière pratico-pratique, hein, l'EFS peut se déplacer dans les entreprises. Bon, il faut que ça soit des grandes entreprises qui aient un minimum de collaborateurs sur site. Mais aussi, ce qu'on peut imaginer, c'est que des entreprises organisent elles-mêmes des navettes pour aller sur les maisons du don, par exemple, quoi, pour aller donner leur plasma. Ça, c'est aussi tout à fait envisageable, et dans le cadre de leur RSE, ça peut être aussi très bien, une très bonne action. Voilà. Et alors après, il faut être très simple et accessible. Et on a eu un bel exemple avec l'association sur Lunéville, puisqu'ils ont organisé cela au régiment. Et c'était pratique. Et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse répondre aux besoins des donneurs qui ont leurs propres contraintes, parce que ça peut avoir des contraintes. Et si on élimine ces contraintes, bah, il n'y a plus aucune raison de ne pas aller donner son sang. Exactement, si ce n'est des contraintes médicales, mais ça c'est un autre débat. Vous avez abordé tout à l'heure le thème de la grande cause nationale qui a été proposée par notre fédération pour 2027, hein, faire du plasma grande cause nationale 2027. Donc vous soutenez effectivement cette proposition, hein, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, monsieur le député. Ça permet de sensibiliser le grand public. Vous savez, on vient d'avoir la grande cause nationale sur la santé mentale. Oui. On en a beaucoup parlé. Tout à fait. Ce qu'on a besoin sur le don du sang, c'est qu'on ne parle pas que de la transfusion d'urgence, et qu'on parle vraiment de tous les besoins. Et donc, en faisant une grande cause nationale, ça permet de valoriser ceux qui donnent déjà, de participer à la fidélisation, mais surtout de recruter. Et le plan plasma qui vise 1,4 million aujourd'hui, il passe par 200 000 nouveaux donneurs. Mmh. Alors vous allez me dire, on est à 1,5 million, il faut les garder, il faut en recruter 200 000, si on peut en avoir plus, c'est mieux. Et je rends un message, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent Fadjet dans notre territoire, n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, à y aller à plusieurs. D'ailleurs, c'est très sympa comme moment à passer, parce que souvent on est allongé, voilà, et on peut discuter, et après il y a la pause sucrée qui est sympa aussi, et qui permet aussi de discuter dans un moment convivial. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Une dernière question peut-être. J'ai sous les yeux un de vos collègues qui a posé une question là sur la sensibilisation aux dons dans le cadre de la journée de défense citoyenneté. C'était le 7 avril, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, mais je vais pour les auditeurs dire en substance ce qu'il était indiqué dans cette question. Donc c'est Christophe Blanchet qui attire l'attention de Madame la Ministre des Armées et des Anciens Combattants sur l'opportunité de renforcer la sensibilisation des jeunes au don du sang dans le cadre de la journée défense et citoyenneté, la JDC. Donc bon, pour faire vite, est-ce que vous soutenez cette initiative, cette question? Toutes les initiatives qui vont contribuer d'une certaine manière à parler et faire découvrir l'importance du don du sang vont dans le bon sens. Après, la journée citoyenneté, elle a été rétrécie à une demi-journée. Oui. Elle réévolue vers une journée, mais on lui demande beaucoup de choses. Je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête à une demi-journée. Il faut parler tous les mois, toutes les semaines du don du sang. Et moi, je reviens sur les bénévoles qui mettent des pancartes à chaque fois qu'il y a des collectes et qui sont pleins d'imagination pour en parler, et c'est remarquable. Puis un dernier message, parce qu'il faut quand même qu'on parle de l'établissement français du sang, qui est très important. Moi, c'est un combat que je mène à l'Assemblée, oui, de manière à ce qu'il ait les moyens de pouvoir poursuivre ses missions, notamment sur le modèle éthique. On a obtenu dans le budget de la Sécurité sociale 5 millions supplémentaires. C'est une dotation fondamentale pour l'équilibre. Sinon, il est menacé, et derrière, c'est tout notre modèle éthique qui est fragilisé. Merci, monsieur le député. Est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin pour conclure cette interview? Allez, donnez votre sang. Bon, voilà. Merci. Clair, net, efficace. Merci, monsieur le député. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors Dominique, en ce joli mois de juin qui verra la JMDS tomber un dimanche, où peut-on aller sauver des vies dans le département ? Eh bien, il y a beaucoup d'occasions pour donner son sang, notamment eh bien, sur Nancy, à l'autre canal, le mercredi 10 juin, le matin, de 9h à 13h. À Nancy, à l'hôtel de ville, le 16 juin, toute la journée, donc de 10h30 à 18h, c'est dans les grands salons. Et puis, on a aussi à Pulnoy ou au Technopôle de Brabois le 29 juin, de 10h à 13h, hein, c'est le matin. Mais aussi Vendeuve le 30 juin, à la médiathèque Jules Verne, à Ludre le 29 juin, à Dombasle le 18, à Bainville-sur-Madon, attention, Bainville-sur-Madon le 9, à Saint-Trey le 23, Gerbévillers le 12, Lunéville le 15 juin, à Blainville-sur-Lot le 17 juin, Colombey-les-Belles le 25 juin et Nomni le 29 juin. Je termine en montant vers le nord du département, passant par Pont-à-Mousson le 11 juin et enfin à Trieux le 12. Et je voulais dire qu'il y a aussi, et on vient d'en parler, des collègues dans les écoles pour les étudiants et aussi en entreprise. Alors peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à la BNP à Jarville le 25 juin pour ses employés. D'ailleurs, si vous voulez faire une collecte en entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec l'EFS. Et comme d'habitude, sur l'application Don du sang, vous trouverez les dates, les horaires, et vous pourrez prendre rendez-vous directement. Et vous pourrez voir comment vous pouvez aussi donner du plasma. Et un autre site, c'est celui de notre fédération, donc ffdsb.org, pour faire du covoiturage pour aller donner son plasma. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, ce sera vendredi 3 juillet à 12h30 avec un nouvel invité.